Ésaïe chapitre 20. L'année en laquelle Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint contre Asdo, et combattit contre Asdo, et la prit. En ce temps-là l'Éternel parla par le ministère d'Ésaïe, fils d'Amo, en disant, va, et délie le sac de dessus tes reins, et déchausse tes souliers de tes pieds. Ce qu'il fit, allant nu et déchaussé. Puis l'Éternel dit, comme mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé, ce qui est un signe et un prodige contre l'Égypte, et contre Chu pour 3 années. Ainsi le roi d'Assyrie emmènera d'Égypte, et de Chu prisonniers et captifs les jeunes et les vieux, les nus et les déchaussés, ayant les hanches découvertes, ce qui sera l'opprobre de l'Égypte. Ils seront effrayés, et ils seront honteux à cause de Chu, auquel ils regardaient, et à cause de l'Égypte, qui était leur gloire. Et celui qui habite en cette île-ci, dira en ce jour-là, voilà en quel état est celui auquel nous regardions, celui auprès de qui nous nous sommes réfugiés pour avoir du secours, afin d'être délivrés de la rencontre du roi d'Assyrie, et comment pourrons-nous échapper ?